1. Elle a le choix. 2. Ils sont chez eux. 3. Je peux le faire. 4. Je veux partir. 5. C'est léger. 6. Je sais pas. 7. Ce n'est pas la joie. 8. Je prends le train.